Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Hippolyte. Salut Hippolyte, comment tu vas? Salut Sofiane, ça va bien et toi? Super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, pas de souci, ça me fait plaisir. Et le plaisir est partagé. Tu m'avais tellement bien présenté ton émission par message. C'était un truc pro, hein. Tu m'as contacté un peu comme si tu étais vraiment un professionnel, ce que tu es évidemment, mais. Tu m'as vraiment dit tous les trucs, genre mon podcast fait tant d'abonnés, j'ai eu l'honneur de recevoir un tel, tu m'as donné des noms. Ah non, non, voilà, attends, alors attention, je suis obligé de démentir là, attention, premièrement, attention, je ne connais pas mon nombre d'abonnés, je ne mets jamais le nombre d'abonnés dans le truc et je ne le connais même pas, je ne sais même pas combien il y a d'abonnés, ouais. Pour être honnête, je sais qu'il y a des gens qui le suivent et tout et ça me fait très plaisir, mais je n'ai jamais réussi à trouver vraiment le bon nombre d'abonnés parce qu'en fait, oui, tu as les abonnés podcast. Sur iTunes, tu as les abonnés sur Podcast Addict, tu as les abonnés à partir de Google, oui. Je crois. Ça. Donc, je suis incapable de dire combien j'ai réellement d'abonnés. J'arrive pas à trouver les vrais stats, quoi. Tu m'as dit tous les noms qui sont passés. Je me suis dit, mais pourquoi il m'invite, quoi, ce monsieur? Et parce que justement, alors déjà, le message que je t'ai envoyé, c'est le message. Je présente ça de la même façon à tout le monde. J'annonce un petit peu. Ouais. Voilà, je dis qu'il y a eu tant de. Je donne pas le nombre d'abonnés, je donne le nombre d'épisodes. Ça, oui. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est, ça. C'est le nombre d'épisodes. Voilà. Donc, je dis qu'il y a eu tant d'épisodes jusqu'à aujourd'hui. Parmi mes invités, j'ai eu l'honneur de recevoir. Voilà, et puis je donne le nom de quelques personnes. Bien sûr, je ne mets pas la totalité. Et voilà, et c'est juste pour mettre les formes. Mais bien évidemment, les gens que j'invite, en fait, tu dis pourquoi est-ce que tu m'as invité, machin? Parce que j'invite pas des gens en fonction de leur notoriété ou quoi, j'invite des gens que j'apprécie. Et tu en fais partie. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. C'est ça qui me fait dire, ah bah ça ferait plaisir, tu vois. Pro. Ah ouais. Bah écoute, bien. Tant qu'à faire, on met les formes, tu vois. J'essaye de pas être aussi bordélique dans mes messages que dans ma vie, tu vois. Donc voilà. Donc du coup, je suis ravi que tu aies accepté. Et justement, tu as dû réfléchir à quelques anecdotes que tu voulais nous raconter. Parce que j'ai eu pas mal de galères. Après, c'est des petites galères. Enfin, c'est j'ai ouais, tu connais hein, la vie d'humoriste. Forcément, tu passes. Mais après, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai raconté? Parce qu'après, il y a des trucs assez classiques, tu vois, des trucs dans des lieux chelous, tout ça. Mais moi, j'avais envie de parler de ma deuxième scène à Bordeaux. Ouais. Parce que d'ailleurs, ma toute première scène, t'étais là. Oui. C'est toi qui avais présenté la soirée, je crois. Oui, je me souviens, c'était au Gavé Style, je me rappelle. Au Gavé Style, voilà. Et ça s'était, honnêtement, ça s'était super bien passé. En fait, il faut juste préciser que quand les gens viennent pour la première fois sur scène au Gavé Style, on le dit au public, on les prévient. Et on du le coup, dit. Il y a une espèce de bienveillance supplémentaire. C'est quoi. Ça, c'est ça. Et puis, vraiment, on te met dans les meilleures conditions. Quand on te fait passer un ordre de passage, c'est le meilleur ordre de passage possible, vraiment. Tout est parfait, ouais. En plus, c'était vraiment une bonne soirée, il y avait bon public et tout, donc c'était vraiment cool. Mmh. Ouais, on a cette politique, on ne fait jamais passer quelqu'un pour qui c'est la première fois, on ne le fait jamais passer en premier, jamais passer en dernier, toujours au milieu, c'est ça. Histoire de le mettre en condition, quoi. Et ça marche bien, quoi. À tel point, moi j'avais cartonné, honnêtement, je me disais, c'est bon, j'ai cartonné. Je me disais, c'est bon, quoi, c'est drôle. J'ai pas besoin de... C'est bon, là, j'ai fini, là, marrant. Je suis le stand-up, quoi. Je suis, voilà. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à venir m'en demander. Pas de souci, tu vois. Mais je me rappelle, à la fin de ma première scène, il y avait François, celui qui faisait la régie, ça, il s'occupait un peu des programmations, ça. Il était venu me voir, il m'avait dit... Président de l'assaut, François Demenet, on en profite pour le saluer. Voilà. Et il m'avait dit, ah, dans 2 mois, on fait un truc un peu sac, il y a 400 personnes et tout, on veut un peu des gens un peu nouveaux, ça dit de faire et tout. Tu vois. Après ma première scène, on me demande ça, je me dis, bah ouais, c'est trop cool, tu vois. c'est normal, je le mérite. Je me dis, mais c'est fini, quoi. C'est bon, j'ai tué le game, voilà. Et il m'avait dit, bah, tu viens dans un mois pour repeaufiner un peu ton sketch, et puis après, la fois d'après, tu joueras devant les 400 personnes, quoi. Donc moi, je vais ma deuxième scène, tu vois, un mois après, confiant, tu vois. Il m'avait dit de retravailler mon sketch, mais moi, j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, bon, bah, j'ai regardé, tout le monde rigole à toutes les blagues, je vois pas ce que je peux améliorer, quoi. Et deuxième scène... j'arrive, hors de passage, ils me mettent en dernier. Ah, dernier. Et les gens voient que je passe en dernier, ils me connaissent pas, ils disent, bah, c'est quand même chelou. Les autres humoristes, tu vois, ils disent, tu dois être fort, quoi. Parce que pour te faire passer en dernier, en général, on met en dernier le mec qui a quand même pas mal d'expérience, qui joue son, son, son, son spectacle le week-end, tu vois, un mec un peu confirmé, voilà, quoi. Et soit le guest, s'il n'y a pas de spectacle à la suite ou quoi, ou si le guest n'est pas disponible, parce que des fois, il y a des gens qui viennent jouer directement leur spectacle sans passer par le Gavé Style la veille. Bah dans ces cas-là, on met quelqu'un de bon pour clôturer, quoi. C'est ça. C'est ça. Et bon, bah, grosse marque de confiance, tu vois. Après, il n'y avait pas de spectacle le week-end, tu vois. C'était aussi pour ça. Et il y avait des gens qui étaient bons, tu vois, dans le line-up. J'avais des amis aussi qui étaient venus me voir. Ils se sont mis au premier rang. Ah. Et voilà. Et donc, ça se passe bien. Public, pas facile. Mais il y a des gens, les gens qui sont drôles, ils arrivent à faire rire le public, tu vois. C'est pas non plus hyper dur, mais bon, il fallait quand même être pas mal, quoi. Fallait aller les chercher, quoi. Voilà. Et donc, je passe en dernier. Il y a François, c'est François qui présente la soirée, il m'annonce. Et vraiment, il annonce en mode ok, le dernier de la soirée, c'est vraiment en général quelqu'un d'assez confirmé. Par exemple, il y a deux semaines, on avait Kev Adams. Il sort des noms comme ça. Il sort des noms genre Olivier de Benoît, des mecs qui sont passés. Je crois qu'il a mis même Gad Elmaleh, je crois. Non, je crois. Ah ouais, ils avaient sorti des noms, je me suis dit ok. Non, parce que Kev Adams et Olivier de Benoît, oui, mais non, pas Gad. On a eu Boone aussi, et on a eu aussi Blanche Gardin. Bah, c'est possible, je ne sais plus, il avait sorti trois noms. Là, il dit, bon, bah, ce week-end, il n'y a pas de spectacle, du coup, on a mis un humoriste, un nouveau. Faites du bruit pour Hippolyte, tu vois. Genre, il avait monté la barre hyper haut, en comparant à Kev Adams, tout ça, et après, il dit, bon, bah, finalement, on met un nouveau. et j'arrive sur scène. Moi, j'étais confiant quand même. Je me suis dit, bon, bah écoute, toutes mes blagues font rire, c'est bon, quoi. Je fais ma première blague et je fais une pause après ma première blague parce que je me dis, il faut que je laisse le temps aux gens de rigoler, quoi. Oui, de se remettre de ce choc humoristique. Voilà. Sauf que personne rigole. Aïe. Et je crois que la pause, elle a dû durer une seconde. J'ai l'impression qu'elle a duré. Moi, j'ai cru qu'il m'avait mis. Après la fin de la pause, j'ai cru qu'il m'avait mis la petite lumière, t'es pour me dire, c'est bon, faut partir, tu vois. Et en fait, première blague, ça passe pas. Je me dis, oula, c'est pas normal. Je regarde mes amis au premier rang, ils ont pas du tout rigolé, même pas un sourire, tu vois. Deuxième blague, pareil. Et là, je me dis, oh, ça va être dur. Ça va être dur, j'ai pas travaillé. Je suis pas bien. Je me rends compte, il y a mes potes devant qui mettent la main sur la tête, genre, voilà. Ah oui, d'accord, c'est des signes de désespoir, quoi. Non, c'est vrai, ouais, c'est même pas des désespoirs, c'est genre on est fatigué, quoi, tu vois. Parce que faut savoir aussi que quand tu passes, c'est au Gavestal, tu passes en 8e, ça fait 2 heures que la soirée a commencé, tu vois, c'est pas forcément. Faut être bon quand même pour passer en dernier, tu vois. Ouais, mais tes potes, je veux dire, tes potes, ils viennent, leur énergie, ils l'ont réservée pour toi, normalement. Ouais, mais bon, tu sais, des fois, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. D'accord. Et en fait, j'ai regardé la vidéo après, et en fait, c'était aussi la première fois que je testais avec un micro. Ça joue un petit peu, et j'ai regardé, en fait, j'avais un tic, c'est qu'à chaque fin de van, je faisais une pause, mais en fait, à la fin du mot qui devait provoquer le rire, je faisais un souffle comme ça avec mon nez, genre. Oui, comme... ça, j'ai vu qui le faire, je crois que c'est Florence Foresti qui fait ça. Ouais, en fait, je sais pas, c'est un tic, je sais pas ce que j'ai, c'est oui. Quand je. C'est mon souffle, le souffle part de mon nez, quoi, je sais pas, genre. Mais je vois ce que c'est, ben ça, ouais, c'est un tic, je pense que tu l'as vu chez quelqu'un, et moi je me rappelle, c'est Florence Foresti qui fait ça. Elle fait des trucs genre, par exemple, si la phrase c'est je suis pas bien fait pour sa gueule, tu vois, elle va faire bien fait pour sa gueule, tu vois, elle va. Ah non, c'est pas ça, c'est pas le reniflement, c'est le souffle, tu vois. D'accord. Je sais pas, mais c'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès, en fait. Et en fait, à chaque vin de vanne, dans tout mon passage, je fais ma vanne et après, je souffle dans le micro, tu vois. C'était dégueulasse. Alors, est-ce que t'es sûr que, vu que les gens riaient pas, c'est pas ton âme qui essayait de sortir ? Je pense que c'est possiblement ça, petit à petit. Parce qu'à la fin, je la trouvais plus. Hein. J'ai cherché dans la salle, elle y était plus. Alors, tu sais, ce qui t'est arrivé là, c'est un grand classique. Et ça nous est arrivé à tous. Hein. C'est après une bonne scène. Mais oui. Prends confiance. Tu y vas, c'est ça. Un peu trop conquérant. Et du coup, c'est exactement ça. Le public sent, tu sais, le public, c'est incroyable. Ils ont un sixième sens. Ils sentent l'arrogance un peu. Je ne dis pas que tu as été arrogant, mais tu devais certainement dégager un petit sentiment d'autosuffisance et d'arrogance qui fait que les gens se sont dit, bah non, en fait, on n'accepte pas les blagues que tu nous donnes là. Je ne sais même pas si c'était vraiment un sentiment de confiance. C'était, je pense que... je me suis très vite senti pas à ma place, à passer en dernier comme ça, tu vois. Ouais, mais c'est même pas ça. C'est aussi le fait que ta première blague n'est pas passée. Ben, ça t'a pas donné le carburant nécessaire pour enchaîner les autres. Moi, j'ai remarqué, j'avais tendance à faire ça, et on a tous encore tendance à faire ça dans des plus ou moins grandes mesures, on va dire. Mais en gros, si tu balances une blague et que les gens rigolent, ça te donne une énergie supplémentaire. Et après, tu enchaînes. Mais quand tu le balances et que les gens ne rient pas, dans tes débuts, en tout cas, tu as tendance à baisser d'énergie. Donc, le problème, c'est que tu te mets dans des conditions encore plus mauvaises. Donc, il y a encore moins de chances que ça passe. Et c'est un cercle vicieux, tu vois. C'est un cercle vicieux. C'est malheureusement, ils ont pas ri à la blague, donc tu perds de l'énergie. Donc, ils vont pas rire à la blague, donc tu perds de l'énergie, et ainsi de suite. De toute façon, la première blague, elle est... Parce qu'en fait, avant de passer, que tu sois confiant ou pas, tu as le trac. Toujours. Et donc, la première blague, c'est quand même un truc... C'est un si peu les gens rigolent, ça te soulage de ouf. Tout de suite après, tu stresses plus du tout après, en fait. Ben, le premier rire, il est très important, c'est vrai. Moi, les premières blagues que j'ai, genre, on va dire les deux premières minutes à peu près, c'est des blagues test, c'est des blagues thermomètre, baromètre, appelle ça comme tu veux. Et en gros, si elle passe, je sais que tout le reste va passer. Et, et c'est, moi, je vois ça avec bah, carrément dans mon début, tu sais, genre, quand j'arrive en musique et tout, je sais que j'essaye d'entraîner les gens avec moi. Si jamais ils ne me suivent pas, c'est mort. Tu vois, je sais que ça va être très, très, très, très dur. Donc, les premières blagues, elles servent de test, en fait. Et là, tu as vu que le test n'était pas concluant, malheureusement. Et après, tu t'embourbes dans un truc. C'est ça. Mais en fait, tu as une... je crois que c'est Dedo qui en parlait dans le podcast « Donc voilà quoi » de Sébastien Marx, il y a très très longtemps. Et je crois qu'il expliquait qu'en fait, quand c'est la première fois que tu testes un truc et tout, et que c'est la première fois que tu montes sur scène, tu as une espèce de fragilité, une espèce de fraîcheur qui fait que tout va passer. Et le truc, tu l'avais toi la première fois et tu l'as ressenti. Et la deuxième fois, tu l'avais perdu parce que tu t'es pas dit « ça va pas marcher ». Tu t'es dit « j'ai craqué le code de l'humour, je suis le stand-up ». Donc voilà, j'ai pas besoin de faire des efforts, c'est bon. Au début, de toute façon, c'est pas ce que c'est que travailler un texte, tout ça. Mais c'est ça, où finalement, c'était une galère. Mais au final, j'étais super content que ça se soit passé. Tu vois, surtout avant de passer à Pessac devant les 400 personnes, tu vois. Ouais, ouais. Ça t'a fait une scène tampon, un peu tampon. Exactement. Voilà, bah oui. Exactement. Après, c'était dur, tu vois. Le pire quand tu rates une scène, c'est la sortie. C'est déjà, bon, bah, il y avait mes potes au premier rang. Bon, bah voilà, tu vois, c'est. Quand tu vas les voir après, t'as la conversation en mode ils te disent non, mais c'était bien, le public était dur, tu sais très bien, toi, que t'étais nul. Juste une question, est-ce qu'ils ont effacé ton numéro le soir même ou ils ont attendu le lendemain? Non, mais tu sais, ils sont revenus après, ils sont revenus. Ah, d'accord. Je me rappelle, c'était un groupe de quatre qui était dans mon école, tu vois. Et en fait, ils venaient ponctuellement de temps en temps au Gavestyle. Et en fait, pendant un an, je crois, ils sont venus 3-4 fois. Et à chaque fois qu'ils venaient, je bidais. C'était vraiment, c'était un syndrome de ces amis-là. Et franchement, la première fois que j'ai réussi devant eux, j'ai vraiment senti un soulagement en me disant, ça y est, je les ai fait rire, quoi. D'accord. Tu ne penses pas que c'était lié au fait que, genre, tu cherchais leur approbation dès le départ et que tu avais du mal un peu à te concentrer sur ton ex? Disons que, tu vois, la deuxième fois qu'ils sont venus, je me suis dit, OK, la dernière fois, ça n'a pas marché. J'espère que là, ça va marcher. Donc, tu fais de la pression. Et après, ainsi de suite. Tu vois, plus ils viennent, plus tu rates, plus tu as de pression à chaque fois qu'ils passent, quoi. Ah, je comprends. Et du coup, comment ça s'est passé, Pessac? Pessac, justement, tu vois, après, moi, je suis sorti et j'ai retravaillé mon truc, tu vois. J'ai retravaillé à fond, j'ai regardé, je me suis dit, OK, ça, c'est une blague forte qui marche bien si le reste marche. Ça, c'est une blague faible, faut que j'enlève. J'ai remodifié des trucs. D'accord. Je me rappelle, du coup, pour le micro, du coup, j'ai fait un truc, c'est que, du coup, j'ai pris un pied de micro pour le placer de façon à pas dans mon champ de souffle. Tu vois, je l'ai pas mis sous mon nez, quoi. J'ai modifié les trucs et à Pessac ça s'est super bien passé. J'ai vraiment cartonné. Eh ben génial, super. Mais tu vois, là tu t'es dit qu'il fallait que tu bosses, tu t'es pas redit. Mais voilà. Ouais, mais j'ai pas besoin de bosser moi. Mais c'est ça. Mais franchement, tu verrais que l'évolution de mon sketch rien qu'entre les deux, celui où j'ai bidé et celui où devant les 400 personnes, j'avais beaucoup beaucoup modifié mon truc. Tu vois, par rapport au premier même qui avait marché, j'avais beaucoup plus. Mais de toute façon. Le bide, c'est un passage obligatoire et c'est ce qui nous permet d'améliorer nos passages. Donc, je suis sûr, je suis persuadé que si tu avais cartonné à ton deuxième passage, ton passage de Pessac aurait été moins bon. Ah ouais, et c'est pour ça, moi je me dis, c'est une galère, mais en soi, je suis trop content que ça me soit arrivé à ce moment-là et pas la fois d'après, quoi. C'est sûr, je comprends tout à fait. D'ailleurs, et du coup, après le Pessac, je me sentais fort et deux semaines après, j'ai rebidé encore, tu vois. C'est, en fait, au début, quand tu commences, tu sais pas, en fait, tu fais une scène bien, une scène pas bien. Après, tu fais deux scènes bien, une scène pas bien. Après, tu fais trois scènes bien, une scène pas bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment graduel. T'apprends, en fait, petit à petit, qu'en fait, au fur et à mesure, t'apprends à ne jamais sous-estimer une scène. Exactement. Et je pense que ce sentiment de confiance et tout, on l'a de temps en temps. Et quand on l'a, en général, c'est là qu'on se plante. Donc, il Ouais. vaut mieux rester dans le doute un peu, tu vois, pour garder ce charme du doute et Mais que c'est le ça. public embarque avec toi. Parce que si le public sent la moindre once de prétention ou d'arrogance chez Ouais. toi, il voudra pas rire avec toi. Comme si C'est dur. C'est... c'était une résistance. Genre, non, je veux pas rire parce que tu te crois mieux que moi. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? La Voilà. Donc, ligne, elle les est gens. fine entre la confiance et l'arrogance, c'est très très fin quand même. Parce qu'il faut Mais montrer que c'est tu es ça. confiant quand même, que tu maîtrises le truc, mais il ne faut pas être arrogant, être au-dessus des Il autres. faut pas, voilà, il faut pas non plus bégayer en mode je suis pas sûr de moi. Là, évidemment, ça marchera pas non plus. Exactement, Mais là, c'est... faut que tu balances avec assurance, mais pas avec arrogance. Et ça, c'est compliqué, c'est vrai. C'est très compliqué. Après, de toute façon, avec le temps, on apprend ça. Et plus on prend des bides, plus on sait comment les éviter, plus Ouais, c'est ça. on augmente son niveau, quoi. Même des fois, je commence des scènes et je sais que ça fait plusieurs scènes que j'ai réussi. J'arrive sans trac, tu vois. Et je dis aux humoristes, je me dis, je crois que je vais bider là. Et je crois que ça me fait du bien, tu vois. Franchement, des fois, je leur dis, je dis, je crois que j'ai envie de bider pour me remettre un petit coup derrière la tête, tu vois, parce que ça fait du bien des fois. Je crois que c'est trop beau là, les gars, je crois que je vais bider ce soir, tu vois, c'est Je me sens beaucoup trop bien. Je me sens. ah, c'est ça, c'est ça. Mais quelque part, c'est bien parce que si tu disais si t'arrivais au contraire en mode ouais, franchement les gars, ce soir, je me sens tellement bien, je sais que je vais déchirer la scène et qu'après Je vais tu tout bidais. retourner. Ouais. Oh, mais là, Ah mais ouais. tu sais, ouais, c'est arrivé combien de fois que des mecs te disent je vais tout retourner et après tu les vois bider en direct. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé là, tu vois, et puis après le mec, il va te dire toujours la même chose. Dans ces cas-là, quand le mec te dit je vais cartonner et qu'il cartonne pas, il va mettre ça sur le dos du public. Ah, mais ça, c'est sûr. Bah, de toute façon, pour moi, un humoriste qui met tout sur le dos du public, genre à chaque fois qu'il a un échec, il met ça sur le dos du public, pour moi, c'est pas un bon humoriste, tu vois. Parce que il y a une possibilité où, en effet, c'est une infime possibilité où, en effet, des fois, le public n'est pas dedans, c'est vrai, mais c'est rare. La plupart du temps, pour moi, 99% du temps, c'est la faute de l'humoriste et 1% du temps, c'est la faute du public. Je crois que même, c'est qu'il y a des publics différents, en fait. Et Ouais. que certains publics veulent plus de certaines choses, plus d'interactions, plus de trucs texte écrit, plus de... Tu vois, et c'est à toi d'aller les chercher, en fait. Ben, il y a des C'est à toi de humoristes en faire l'effort. Et c'est pour ça que oui, il y a des publics difficiles, tu vois. Ce public-là que j'ai eu, ma deuxième scène, en fait, c'était un public confirmé, quoi. Un mec qui est des gens qui voulaient des gens de niveau, parce qu'en fait, ils avaient rigolé quand il y avait des bons passages, des gens drôles, ils ont rigolé. C'est juste que voilà, Ouais. j'ai pas été assez fort pour aller les chercher, tu vois, et il y a toujours des... C'est jamais, comme on dit, ouais, c'est une des règles, c'est que c'est jamais la faute du public, quoi. C'est à toi de t'adapter et d'aller les chercher, quoi. C'est ça, et il faut surtout pas perdre d'énergie, il faut balancer comme si c'était ta meilleure vanne et tout, tu balances tout, et puis après tu vois si le public te suit ou pas. Mais franchement, c'est dur, mais le public, faut être capable de récupérer le public, même quand tu l'as perdu un peu, faut être capable de le récupérer, c'est C'est pas toujours ça, ouais. évident. Mais quand t'arrives, par contre, c'est une des meilleures sensations, ça a déjà dû t'arriver. C'est genre quand le public, tu sens qu'il est froid de ouf, et toi, t'arrives. Alors, soit il est froid de ouf avec les autres humoristes, toi, t'arrives et tu retournes la salle, soit carrément, toi, au début, ils sont froids avec toi, et t'arrives à les conquérir au fur et à mesure. Ouais, il suffit d'une blague bien sentie dans le moment et ça marche bien, ouais. Ah, cette sensation-là de réussir C'est à vrai. retourner, à reconquérir un public, c'est le meilleur sentiment possible quand tu es sur scène, quoi. C'est ça, tu vas à la guerre et tu gagnes la guerre, quoi. Exactement. Bon, on parlera pas des fois où on est tombé au combat, hein, on va pas se mentir. Il y a des fois où c'est froid et tu tentes une blague et c'est toujours froid et c'est encore plus froid après. C'est ça, c'est Aussi, ça. ça arrive. Ça arrive et ça fait très très mal. Quand tu bides par-dessus un bide, c'est le pire, ça. Mais c'est surtout, tu vois, c'est ce qui m'est arrivé lors de mon deuxième passage, en fait, c'est quand tu bides sur du sûr, quoi, sur ce que tu crois Ouais, être tes meilleures vannes. oui, mais totalement. Mais ça, de toute façon, c'est des bides prévisibles. C'est tu balances tes blagues, tu vois, les fameuses blagues thermomètre que je te disais. Quand tu sens Ouais. qu'elles bident, celles-là, et tu sais que celles-là, c'est celles qui vraiment permettent de tout faire passer derrière, tu sais que si ça, c'est pas passé, le reste n'aura Là, pas de chance de passer non plus. Donc, ça non, va être long. voilà, tu sais que ça va être long. Donc, tu vas les balancer. En général, tu vas finir en mode pilote automatique. Et puis C'est voilà, ça. quoi. Tu penses à ce que tu vas manger après? Oui. Et en tout cas, ce que tu manges à ce moment-là, c'est un bon vent. C'est un bon, ouais. Oh, punaise. Les gens, ils te regardent. Mais en plus, le pire, tu peux même pas leur en vouloir. C'est même pas ils te regardent méchamment en mode vas-y, t'es pas marrant. Ils te regardent en mode on comprend pas. C'est pas drôle ton truc. C'est pas. Enfin, excuse-nous, tu vois. Tu sais, c'est. Et, en fait, le pire, je crois que c'est quand tu vois la gêne dans les yeux des gens. C'est ça, mais c'est ça. Et alors, quand ces gens-là, c'est tes amis, alors là, c'est. C'est encore pire. Là, ça, à la limite, bider devant des gens que tu connais pas, ça va. Ouais. Mais devant les gens que tu connais, waouh. Ben oui, oui. Ben, tu vois, tout à l'heure en off, je te demandais pourquoi est-ce que tu étais parti de Bordeaux à Lyon. Ben, maintenant, je sais. C'est ça. Ah, c'est ça, exactement. Exactement. Je voulais plus recroiser les gens qui m'ont vu faible, fragile. Maintenant, c'est marrant. Sur le moment, ça a dû te faire mal, mais maintenant, t'en rigoles. Oui, ça... En fait, quand tu bites devant des amis, c'est qu'en fait, tu te dis, si ça se trouve, ils vont rentrer chez eux, ils vont dire, mais pourquoi il a fait ça, quoi. Franchement, le pire, c'est quand ce sont des gens qui te connaissent. C'est pour ça que moi, franchement, je suis moins à l'aise quand il y a des gens qui me connaissent. C'est pour ça que tout à l'heure, je te demandais si ouais. C'était parce que c'était tes amis et que tu te mettais la pression et tout. Et je sais que le pire, c'est quand tu dis aux gens, venez, bah, venez me voir et tout, je vais jouer, machin, nanana, ils viennent jamais et tu cartonnes. Et le jour où ils viennent, tu prends un bide. Et du coup, ils remettent. Ben, le problème, c'est qu'ils remettent en question tout ce que tu leur avais dit avant. Quand tu, quand tu leur as dit que tu avais cartonné et tout, ils vont dire bah, du coup, j'ai vu, quoi. Et non, tu ne cartonnes pas, je suis désolé, quoi. C'est... En général, le lendemain, tu as le droit à un SMS où il y a l'adresse de l'université à laquelle tu pourras reprendre tes études, quoi. J'ai trouvé un travail. Oui, voilà, voilà. C'est quoi ? Tiens. Honnêtement, quand tu fais une scène et que quelqu'un est venu te voir et que le lendemain il commence à te parler de recrutement chez McDo et chez Quick, voilà. C'est que à mon avis, il fait pas partie de ton fan club. C'est ça. Ben c'est dur parce que en plus, je te dis, ils se disent, mais pourtant, t'as l'air de prendre du plaisir et tu sais, ils arrivent pas à comprendre. Ils se disent, mais comment tu peux prendre du plaisir en prenant des beats comme celui que t'as pris ? Et t'as beau leur dire, mais non, mais d'habitude ça cartonne. Et ils vont dire, oui, allez, vas-y. Mais oui, mais les autres, ils vont dire, mais les autres, ça a été drôle, mais toi, c'était pas pareil. Il te manque un truc. Ouais, bah écoute, je crois que ce truc, ça s'appelle des vannes. Hein, et, C'est ça. Ouais, quoi. Non, mais hey, y en a, ils sont impitoyables quand même. Hein. Autant il y en a, ils vont vouloir te préserver. Ils vont te dire, non, mais ah, comme tu dis, tu vois, genre, bah, il manque un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose qui manque. Il y a un truc qui s'est pas passé. Oui, ce qui s'est pas passé, c'est que t'as pari, quoi. C'est tout. C'est tout, quoi. Il y a que ça. Je vois pas comment te le dire autrement. Et il y en a qui sont beaucoup plus cash. Genre, franchement, tu sais, des fois, souvent, c'est les gens qui sont très très proches de toi. T'as bidé ta race, tu vois. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il faut trouver des gens qui te disent ça, quoi. Parce qu'en vrai, moi, je sais qu'il y a une connaissance qui était venue me voir une fois. Et en sortant de la scène. Elle m'a dit non, effectivement, c'était pas très drôle, mais c'était intéressant, tu vois. Et moi, je fais pas des conférences TEDx en fait, moi, je fais des blagues en fait à la base. Donc, moi, je préfère qu'on me dise t'es nul, c'était nul ce que t'as fait et tout, que qu'on me cherche des excuses, tu vois. Après, c'est de la bienveillance, on va dire, c'est histoire de préserver un petit peu après... le petit qui te reste, tu vois. Non, mais après, tu peux trouver des points positifs, mais ne dis pas des choses bien. Qui ne le sont pas en réalité. Pas, je pense qu'elle a eu, elle t'a pris en pitié parce que elle a vu le dernier morceau d'âme qui est sorti à travers le micro. C'est ça. Et voilà quoi, hein, c'est vraiment de la bienveillance. Mais je pense que le plus important, tu vois, tu dis que c'est important d'avoir des gens qui te mettent des trucs dans la gueule directement, c'est vrai. Mais je pense que le plus important, et je trouve que toi tu l'as, c'est que toi-même tu sois capable de te remettre des trucs dans la gueule, tu vois. Donc toi tu l'as parce que tu as reconnu, tu m'as pas dit ouais le public était mauvais ou je sais pas quoi, tu as reconnu ton erreur et tu as retravaillé et du coup derrière ça a payé, après petit à petit voilà c'est comme ça, tu fais un bide comme tu as dit, un bide, un carton, deux cartons, un bide, machin, petit à petit tu vas avoir plus de cartons que de bides et c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que tu avances tout doucement. Après quand tu vas repartir sur du neuf, parce qu'évidemment là on parle de quelque chose de rodé, quand tu vas repartir sur du neuf, tu vas bider et c'est normal tu vois. Enfin peut-être pas tout bidé mais genre le passage il sera vraiment pas bon et il faudra le rejouer, tu vois, moi je suis en plein dedans là, moi je suis reparti sur un passage, je suis en train d'essayer de monter un passage là à partir de zéro et franchement j'ai joué l'autre jour, c'était pas mal mais voilà, je sais qu'il y a encore du boulot tu vois. Bah, il manque un truc. Il manque un petit truc. Il manque un petit truc. Des rires, du rythme. Et non, franchement, mais... non. Je pense, non, les rires, je les avais. Je pense que ce qu'il me faut, c'est déjà connaître le texte par cœur sur le bout des doigts. Parce que là, une de mes grandes craintes, c'était d'oublier une blague. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pas oublié de blague. J'ai pas fouillé sur un truc, je me suis repris. Mais j'ai pas oublié de blague. Ça, déjà, j'étais content. Maintenant, mon but, c'est de le jouer très souvent pour que je connaisse le texte par cœur. Et là, après, quand tu le connais par cœur, ton cerveau, c'est comme si il se disait, c'est bon, la partie connaître par cœur, on l'a. Maintenant, on va pouvoir trouver d'autres façons de le dire. Et petit à c'est petit, ça. Il va t'emmener sur des petites impros, tu vois. Mmh. Mais pour c'est ça, il n'y a pas de secret. Il faut jouer, il faut bider, il faut accepter. Moi, non, franchement, je te dis, ce n'était pas un bide, hein, ça va. C'était, on va dire, sur un passage, mettons un passage à 100% de rire, bah là, j'estime que j'en ai eu 40%, 45%, tu vois. J'espère à terme pouvoir monter à 80 au moins, tu vois, 75-80. Mais ça va se travailler au fur et à mesure des passages et tout, voilà quoi. De toute façon, voilà, comme je te disais, quand tu fais un premier passage comme ça, c'est pas un cadeau d'arriver direct à 100%. Parce que c'est... Après, tu te reposes un peu sur tes lauriers, tu te dis, ok, bah, si c'est drôle, c'est bon, tu vois. Vaut mieux avoir, comme tu dis, 40-45%, tu dis que t'as une bonne base et que le reste, ça se travaille. Plutôt que de tomber sur une soirée où t'as un public qui est vraiment trop trop chaud, qui rigole à tout, et tu crois que t'es arrivé, quoi. Ben après, ça se fait au fur et à mesure des passages, parce que je pense qu'un passage, tu peux pas prendre en compte un passage. Tu sais, tu joues une fois, t'as cartonné, tu peux pas dire ce sketch-là, c'est un carton. T'as joué une seule fois, t'as bidé, tu peux pas dire ce passage-là, faut que je le jette. Non. Pour moi, ça se fait, moi je pense, tu vois, chaque humoriste a sa façon de faire et tout. Il y en a qui jouent trois fois. Et si, genre, au bout des trois fois, ça n'a pas cartonné, absolument cartonné, il jette. Moi, non, moi, je suis plus sur une base de, on va dire, je ne sais pas, tu le joues entre 5 et 10 fois. On va dire 10 fois, tu vois. Si tu le joues 10 fois et que tu n'as pas au moins 7 fois où ça a rigolé, c'est que c'est mauvais, tu vois. Je parle blague par blague, hein, parce que le passage entier, tu ne peux pas le... Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas tout le passage est acheté ou tout le passage est bon. Je parle blague par blague, tu vois. Si la blague, elle a marché 7 fois sur 10, c'est qu'elle est bonne. Si la blague, elle a marché 2 fois sur 10, faut la reformuler, quoi. Faut la reformuler ou faut l'acheter. Ouais, non, après, mais c'est dans ta conviction personnelle aussi, tu vois. Si tu penses que c'est marrant, et ben, c'est qu'il y a un truc drôle. Tu l'as mal dit, tu l'as mal emmené, mais il y a un truc drôle, tu vois. Oui, mais il y a quelque chose. C'est à travailler. Des fois, il faut essayer. C'est à travailler, voilà. Mais tu changes un mot, tu changes une tournure de phrase, tu mets le début. Tu sais, genre, dans une phrase, des fois, tu peux changer des éléments de place. Tu tentes. Des fois, en sortant un mot de son emplacement et de le mettre, genre, un peu en début de phrase, ou à l'inverse, prendre quelque chose qui était au début et le mettre à la fin pour clôturer la blague, ça peut changer du tout au tout, tu vois. Ouais. Mais voilà, après, c'était une de... Bah, justement, je pensais que c'était bien de prendre cet exemple-là pour ma galère à moi, parce que je pense que c'est un truc constructif, tu vois, qui m'a aidé, tu vois. Ah, ben, ça t'a aidé à grandir, oui, ça, c'est clair. Ah, bah, oui. Quelque part, c'est bien, parce que ça t'a pas découragé, tu vois, c'était en tout début de carrière. Si ça t'avait découragé, j'aurais pu le comprendre aussi, parce que moi, il y a des gens, je connaissais un mec en particulier, tu vois, qui avait fait un passage. Au début, ça marchait bien pour lui, il a pris un bide, il est plus jamais remonté sur scène. Bah ouais. C'est dommage. Dommage. Mais après, c'est pas grave. T'sais. Tout le monde n'est pas fait pour la scène. Moi, je pars du principe que tout le monde peut monter sur scène. Peut. J'ai bien dit peut. Hein. Voilà. Tout le monde peut monter sur scène, mais tout le monde n'est pas fait pour la scène. Donc, il faut y aller quand on a envie. Tu vois, il faut vraiment y aller. Si on a quelque chose, tu vois, comme nous, là, pendant le confinement, qui nous a complètement cramé, tu sais, on était en ébullition. On attendait qu'une seule chose, c'est de pouvoir remonter sur scène. Bah, dans ces cas-là, c'est qu'on a besoin de la scène et que c'est fait pour nous, ça va. Mais il y a des gens, la scène, non, ça va. C'est, tu vois, il y en a, ils sont entre deux aussi, tu vois. C'est genre, ouais, si je fais de la scène, c'est cool, mais si j'en fais pas, je m'en fous. Bah non, voilà, c'est compliqué. Après, il y a les deux extrêmes, tu vois. Il y a ceux qui sont allergiques à la scène. Si jamais ils montent sur scène, ils vont se liquéfier sur place. Et il y a les gens comme nous qui sommes accros à la scène et on aime la scène et nous, on veut rester sur scène, quoi. C'est ça. Mais écoute, la bonne nouvelle, c'est que on va continuer à faire des scènes et on va continuer à prendre des bides et à galérer. Je repenserai à toi. Je repenserai à toi à mon prochain bide. Tu vois, je dirais vraiment. Tu sais quoi, je t'appellerai. Je te dirais, Hippolyte, t'avais raison. Quand je suis arrivé, je me sentais trop bien. C'était trop bien. Non, mais la prochaine fois que tu te sens bien avant une scène, tu penses à moi et tu dis, je crois que j'ai bidé. Je crois que j'ai besoin de bider. Ah, mais des fois, on en a besoin, tu sais, il faut se mettre en danger un petit peu, et puis voilà. Et ça remet les idées en place, on va dire, et puis ça remet les choses dans leur contexte après. Tu comprends qu'en fait, le contexte d'une blague, c'est d'abord qu'elle bide. Ça peut pas être que du succès. Donc, ça remet les choses à leur place et c'est très bien. Et donc, bah, merci beaucoup, franchement, très belle anecdote, bien choisie et très instructive. Merci. Donc, merci à toi. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Sur les réseaux sociaux, bah du coup, bah après cette scène, j'ai abandonné. Donc du coup, j'ai tout arrêté. Voilà. Donc, vous pouvez pas me retrouver. Vous pouvez me retrouver à la fac de droit. J'ai supprimé toute trace. Non. J'ai un compte Instagram qui s'appelle HPPLT. Voilà, c'est Hippolyte, mais que les consonnes. HPPLT, d'accord, ok. On dirait le nom d'un rappeur. Ok. C'est comme, à la base, je voulais m'appeler comme B2OBA, tu vois. Je vais être H2PLT, tu vois, mais bon. H2PLT, Peut-être d'accord. Peut-être Ah, plus c'est pas tard, mal. peut-être plus tard. À quand un featuring entre vous? Ah, bah attends, déjà, il faut qu'il me clash. Peut-être que je vais le clasher. Peut-être que je vais le clasher, comme ça, je vais être sur le. J'aimerais trop que Booba y sorte un clash, tu sais, où il balance directement, j'étais dans la salle à ta deuxième scène. Ce serait trop arrête de souffler dans le micro. fort. Arrête de souffler dans le micro, on a tous vu que t'as bidé, gros. Eh, pas mal. Ah, ben, écoute, Booba, si jamais t'écoutes ce message, ben, t'es le bienvenu pour clasher Hippolyte. Et pourquoi pas faire du stand-up? Franchement, Booba en stand-up, tu kifferais Mais pas? il serait trop fort, il serait trop fort. Mais je veux voir ça, moi, tu vois. Je veux Moi, je veux voir voir un ça. bide. Moi, je veux voir un bide de Booba. Pour savoir comment il réagit. Je sais pas comment il réagirait, honnêtement. Je pense qu'il dirait, c'est vous êtes naze, quoi. C'est Vous êtes des pas gros nazes. la scène qui me quitte, c'est moi qui quitte la scène, c'est bon, vas-y. Bien, bien Voilà. passé, bien propre. Ben écoute, MC Hippolyte, merci beaucoup, frérot. Et De rien. bon, page Facebook aussi. Bah, mon page Facebook, c'est Hippolyte. Donc là, Il y a toutes les lettres. il y a toutes les lettres, il y a les voyelles aussi. P HIPOLYTE. LYTE, pas de souci, je mettrai le lien. Eh bien, merci beaucoup, Hippolyte. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.